Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin, assisté de Marie-Françoise. Cette émission est diffusée en direct lundi 9 mai 2011 de 18h à 21h, en différé mardi 10 mai 2011 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Claudio. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci Marie-Françoise, merci Claudio. Nous allons maintenant avoir notre rendez-vous politique de la réinformation et j'ai donc invité des participants bien connus des auditeurs de Radio Courtoisie, Christophe Beaumont, délégué à la communication du Club de l'Horloge, Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, et je garde avec nous Laurent Arthur Duplessis, journaliste, directeur des publications de Contribuables Associés, qui m'a aidé à interroger Nicolas Dupont-Aignan. Dans la première partie, nous avons beaucoup parlé de l'euro à propos du livre de Nicolas Dupont-Aignan intitulé « L'arnaque du siècle » aux éditions du Rocher. Nous aurons peut-être quelques mots à dire en priorité sur l'avenir du livre journal des éditeurs. Jean-Paul Nadéo est en ligne, je crois. Jean-Paul Nadéo. Oui. Alors Jean-Paul Nadéo, donc vous avez participé au dernier livre journal des éditeurs et c'est là que Jean-Yves Dournon, qui est très malade, a fait aux auditeurs de Radio Courtoisie des adieux déchirants. Absolument. Et il m'a demandé, et j'ai accepté avec grand plaisir, de vous confier la succession de ce libre journal des éditeurs. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la manière dont vous concevez cette succession ? Eh bien, écoutez, d'abord, c'était une belle surprise, parce que j'étais venu dans cette émission pour présenter un livre, Éternel National 7, un livre que j'ai écrit avec Marie-Sophie Chabre, qui retrace toute la grande épopée, toute la grande histoire de cette route. Et j'ai appris à ce moment-là que Jean-Yves Dournon était très malade, il est intervenu à l'antenne, ça a été très émouvant, très difficile de l'entendre, d'autant plus que j'ai connu Jean-Yves Dournon en pleine forme lorsqu'il était directeur littéraire du Livre de Poche, et c'est quelqu'un de formidable. Voilà. Et donc, ma grande surprise après, Jean-Yves m'a demandé de bien vouloir assumer sa succession à la tête de cette émission, le libre journal des éditeurs sur Radio Courtoisie. Voilà, alors, écoutez, c'est un petit peu nouveau pour moi, tout neuf pour moi, donc moi j'ai une grande passion qui est le livre, qui est l'édition, qui sont les auteurs. Vous avez une carrière bien remplie. Et une carrière bien remplie, puisque je suis tombé, très tôt dans ce métier, puisque j'ai commencé par la librairie. J'ai d'abord été libraire, ensuite je suis devenu... Vous m'avez dit dès l'âge de 16 ans. C'est exact. Dès l'âge de 16 ans, je travaillais dans une grande librairie à Aix-en-Provence, et c'est là, j'étais étudiant, que j'ai découvert cette chose imprimée qu'on appelle le livre et qui est devenue pour moi une véritable passion et une véritable manière de vivre. Parce qu'on n'est pas éditeur de 8h à midi, 2h et 6h, c'est quelque chose qu'on porte en soi, on est éditeur, on est à l'affût de textes, d'auteurs, de rencontres, c'est un métier de rencontre, et donc c'est un métier qu'on fait 24 heures sur 24. Voilà. Et donc j'ai fait toute une carrière dans l'édition, j'ai eu la chance de travailler avec des hommes comme Robert Laffont, comme Pierre Belfond, qui sont des grands noms de l'édition. Des grands éditeurs, les grands pionniers d'édition, Pierre Segers, qui était l'éditeur, le grand éditeur, de la poésie, enfin avec tous ces gens-là. Et puis j'ai eu la chance également de progresser dans ce métier, de m'occuper d'une maison qui s'appelle Larousse, de défendre donc la langue française, de m'occuper aussi du Robert, enfin de beaucoup de maisons d'édition, et de faire une carrière voilà, tout à fait passionnante, que je poursuis d'ailleurs, que je continue, puisqu'aujourd'hui j'ai un peu bouclé la boucle, puisque je suis devenu à mon tour également auteur, voilà, tout en continuant à travailler avec différentes maisons d'édition. Voilà, eh bien, merci Jean-Paul Nadéo. Alors, nous vous souhaitons beaucoup de succès. Les auditeurs de Radio Courtoisie seront tout à fait intéressés de vous écouter dans vos prochains livres journal des éditeurs. Sachant que Marie-Thérèse Ablot continuera à être la suppléante du patron du journal. Nous la remercions. Un travail formidable et qui a fait un travail avec notre ami Jean-Yves, que je salue s'il nous écoute. J'espère, Jean-Yves Dourdan. Continuera à mes côtés. Et que d'autre part, comme la chose est un peu précipitée, je ne vais peut-être pas vous retrouver tout de suite très en rapidement direct. Sur les émissions, puisque je vais laisser Marie-Thérèse. J'avais d'autres engagements, donc ça va être difficile d'intervenir dès les prochaines émissions. Mais très bien vite, je retrouverai les éditeurs de Radio Courtoisie avec mes invités pour leur parler de livres d'auteurs et leur donner l'envie de lire, de découvrir et de venir côtoyer nos auteurs. Alors, il est possible que vous commenciez par des préenregistrements, que les premières émissions que vous ferez soient préenregistrées et non pas faites en direct. Exactement. Mais ce n'est qu'une question, disons, d'adaptation et de transition. Et de temps, parce que j'avais des engagements que je suis obligé, bien sûr, de remplir. Alors, merci Jean-Yves Dandéon. Je voudrais surtout que nous ayons une pensée très forte et très affectueuse pour Jean-Yves Dourdan. Quand il m'a appelé pour me dire dans quel état il était, bien sûr, je souhaite du fond du cœur que la science se trompe à son sujet, c'est-à-dire qu'il guérisse. On le souhaite vraiment, parce que c'est quelqu'un de formidable, qui a beaucoup apporté à l'édition et qui a beaucoup apporté à Radio Courtoisie. Et qui témoigne d'un attachement à Radio Courtoisie qui m'est allé droit au cœur. Je suis persuadé que les auditeurs de Radio Courtoisie ont été déchirés par ses adieux et qu'ils lui resteront très attachés. Ils n'oublieront pas le nom de Jean-Yves Dourdan. Voilà, et quand Jean-Yves m'a demandé de prendre cette émission en main, je n'ai pas pu dire non, j'ai pas pu le refuser, parce que Jean-Yves est quelqu'un de formidable et il tenait vraiment à ce que ça perdure après lui, et donc voilà, c'est un... Voilà, c'est merci. Pour moi. Merci Jean-Paul Dadéo, rendez-vous donc à cette antenne dans quelques semaines, et nous avons donc une pensée tous pour notre ami Jean-Yves Dourdan, à qui nous disons un grand bonjour du fond du cœur. Merci Jean-Paul Dadéo. Merci Henri de Lesquin, et à très bientôt à nos auditeurs. Au revoir. Et nous voilà donc revenus dans le studio avec mes invités Christophe Beaumont, Jean-Yves Le Gallou et Laurent Arthur Duplessis, et nous allons engager notre rendez-vous politique de la réinformation qui a lieu toutes les 4 semaines, dans la semaine D comme Daniel, du cycle des émissions de Radio Courtoisie qui en contient 4, A, B, C et D. Alors, je me tourne vers mes invités et je leur pose la première question, qui tient en deux mots qui n'en font qu'un, Ben Laden. Ben Laden est-il mort, Jean-Yves Le Gallou ? Alors, avant de répondre à la question « Ben Laden est-il mort ?», ce qui est probable... J'ai pas vu le corps. Hein. La question était « N'était-il pas déjà mort ?» Parce que Mme Benazir Bhutto, qui était ancien Premier ministre du Pakistan à 2 reprises, qui était candidate aux élections au Pakistan il y a 3 ans, avait déclaré à l'époque... que Ben Laden était mort en 2002. Donc voilà ce qu'avait déclaré Mme Benazir Bhutto avant elle-même d'être assassinée dans les circonstances que l'on sait. Alors je ne sais pas si Ben Laden est mort, s'il est mort maintenant, s'il était mort avant. Ce que je sais par contre, c'est que les services de renseignement et les services spéciaux et les services de manipulation des États-Unis d'Amérique disposent d'un budget 2 à 3 fois supérieur à celui de l'ensemble de l'armée française, ce qui laisse quand même quelques possibilités d'action, sinon de manipulation, et qui, en toute hypothèse, doit conduire à avoir un minimum de doute sur toutes les informations ou les images qui proviennent de ce côté-là du monde, parce qu'il y a des capacités de manipulation de l'opinion tout à fait considérables. On l'avait déjà vu d'ailleurs lors de l'affaire dite des armes de manipulation massive. Destruction massive. Pardon, en l'occurrence, c'était des armes de manipulation massive, puisqu'il s'agissait à l'époque de justifier l'invasion de l'Irak. Et donc, on avait affirmé, les États-Unis d'Amérique avaient affirmé que Saddam Hussein disposait d'armes de destruction massive que les troupes américaines et britanniques n'ont jamais trouvé une fois qu'elles ont envahi l'Irak. Voilà. Donc je crois que vraiment, il faut être aussi prudent vis-à-vis tout ce qui peut venir en termes d'informations ou d'images de ce côté-là du monde aujourd'hui qu'on devait l'être vis-à-vis de tout ce qui venait de l'Union soviétique il y a 30 ou 40 ans. Laurent Arthur Duplessis, faut-il croire les Américains ? Alors, effectivement, je partage les mêmes l'analyse de Jean-Yves Le Gallou sur les possibilités de manipulation de cet appareil. De renseignement américain. Néanmoins, bon, je constate que l'Al-Qaïda a entériné. Alors, est-ce que la source est fiable? Al-Qaïda aurait entériné la mort de Ben Laden. D'après un site internet théoriquement toujours bien informé et fiable. Alors, reste à vérifier cette source. Non, mais s'il est mort, comment est-il mort ? La question n'est pas seulement de savoir s'il est mort, mais de savoir comment il est mort. Voilà. Et est-il mort sous l'assaut des troupes spéciales et qui, manifestement, dans ce cas-là, aurait effectivement voulu le prendre mort plutôt que vivant, de manière à éviter un procès, peut-être, etc. Pourquoi voulait-il éviter un procès, d'après vous ? Eh bien, parce que un procès aurait déclenché déjà des tentatives de la part des islamistes de faire du chantage en attaquant telle ou telle ambassade ou telle ou telle... Attendez, cher Laurent Arthur Duplessis, on se gargarise de l'état de droit. Il fallait donc, je suppose, capturer Ben Laden pour le juger. Oui, oui. Alors, pourquoi l'a-t-on exécuté sommairement ? Alors, effectivement, c'est tout à fait contraire à... Et l'opération s'appelait Geronimo, d'ailleurs. Était-ce un film de l'Ouest, un western ? C'est d'ailleurs de très mauvais goût, Geronimo. De très mauvais goût. Notamment pour les Américains d'origine indienne qui, manifestement, ne jouissent pas de la même considération que les Américains d'origine africaine. Il est certain que l'état de droit a été bafoué, dans le sens qu'effectivement... Non, mais c'est un concept très discutable. Mais en l'occurrence, les gens qui nous gouvernent, ou qui gouvernent les médias, se gargarisent de l'état de droit. Ils n'ont pas dit « Le Monde a publié... Justice est faite. Mais on a exécuté un criminel, ça je veux bien, mais en général, le pire monstre a droit à un procès. D'ailleurs, il est même présumé innocent, paraît-il, jusqu'à la condamnation définitive. Ben Laden aurait pu faire appel et cassation. Oui. Eh ben oui. Oui, oui. Mais attendez. Et il est vrai que le procès de Nuremberg avait largement institué le jugement des... Il n'y a pas eu d'appel, là. Pas d'appel possible. Du jugement des vaincus, et c'était la justice des vainqueurs, effectivement. Et là, il n'y a pas eu de justice des vainqueurs. Il y a eu une exécution avant procès. Ça, c'est... Si exécution, il y a eu. Effectivement, tout est très obscur là-dedans. Mais il semblerait que ça vienne d'un point nommé pour justifier un désengagement accéléré de l'Afghanistan. Parce qu'en fait... Nous allons parler des conséquences. Mais j'aimerais que notre ami Christophe Beaumont, qui est donc, je le rappelle, délégué à la communication du Club de l'Horloge, nous explique ce qu'il faut croire ou ne pas croire, s'il faut croire quelque chose, du récit merveilleux. Alors, ne me dites pas en anglais que ça s'appelle storytelling. C'est la scénarisation. C'est raconter des histoires, ça se peut se dire en français, vous n'avez pas besoin de dire. Storytelling fait par des spin doctors. Storytelling, en français, ça veut dire raconter la narration d'une histoire ou la scénarisation d'une histoire. La récit, on fabrique un récit. Donc, et d'où le premier paradoxe de ce récit, donc de l'assaut et de la mort de Ben Laden, c'est que finalement, à force d'informer et de désinformer, le paradoxe, c'est que la confirmation qui semble la plus évidente de la mort de Oussama Ben Laden, c'est celle qui vient d'Al-Qaïda, réelle ou supposée, mais en tout cas, c'est un peu le paradoxe de ce modèle qui finalement aboutit à ce que... Plus personne n'y croit. Voilà, exactement, plus personne n'y croit. La deuxième interrogation, c'est que finalement, bien évidemment, on n'a pas fait de procès, mais on l'a tué. Et donc, on peut se poser la question, vu qu'il n'apparaissait que de temps en temps, que gênait-il vraiment ? Quel était son caractère réellement opérationnel, vu la maison dans laquelle il habitait ? Et donc, ça peut nous amener plutôt à d'autres séries de questions. C'est que le Deus ex machina, ou plutôt le Demonus ex machina qu'il était devenu, finalement, ne servait plus à grand-chose avec l'évolution qu'on a vue apparaître au printemps, avec une évolution des régimes arabes méditerranéens et vraisemblablement plus loin encore. Et donc, finalement, cet adversaire qui avait été créé, peut-être pas de toutes pièces, mais du moins qui avait été médiatisé de toutes pièces, ne servait plus vraiment face à une évolution de la politique américaine qui est vraisemblable comme un retrait ou une évolution en Afghanistan, en Irak. Et ce pauvre Ben Laden ne servait plus vraiment à... Oui, alors je voudrais que les auditeurs de Radio Courtenay comprennent que nous n'avons aucune sympathie pour Oussama Ben Laden, qui était un musulman aussi pieux que fanatique, qui n'était pas d'ailleurs un hérétique, loin de là, c'était un musulman parfaitement orthodoxe, simplement il considérait que les conditions du djihad étaient réunies, qu'il fallait donc faire le djihad, faire la guerre, et dans son esprit, l'attentat dont il est réputé être l'instigateur, l'attentat du 11 septembre qui a fait 2000 ou 3000 morts, était aussi justifié, puisqu'il faisait la guerre, que pour les Américains, Hiroshima est justifié, alors que Hiroshima a fait un nombre de morts bien plus considérable et dans des conditions encore plus atroces que celles du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Je parle d'Hiroshima, mais vous pouvez parler aussi, bien sûr, de Nagasaki, de Dresde, de Hambourg, tous ces bombardements américains où des populations civiles ont été atteintes, des femmes, des vieillards, des enfants ont été massacrés par la bombe atomique américaine. Alors, sur cette affaire de Ben Laden, premièrement, première remarque, nous n'avons pas d'autres informations que le gouvernement américain. Bien. C'est déjà gênant. On ne peut pas corroborer ou vérifier ce qu'a dit le gouvernement américain. Deuxièmement, sur ce premier point, je dois souligner le fait qu'il y avait, paraît-il, 30 personnes dans la maison, que les Américains en auraient tué 4 ou 5, et que les autres ont été capturés par les services secrets pakistanais, et on ne sait absolument pas ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont dit. Dont les femmes. J'ai même vu d'ailleurs qu'on a dit dans la presse française que les services secrets ou l'armée pakistanaise avaient capturé un voisin qui avait le seul tort d'habiter en face de la maison. Sans doute avait-il vu des choses qu'il ne devait pas voir, je ne sais pas, mais le gouvernement pakistanais n'a donné aucune information. Nous n'avons d'informations que par le gouvernement américain. Deuxièmement, le gouvernement américain, il est peut-être merveilleux dans l'organisation du récit, cher Christophe Beaumont, mais il n'est même pas capable, premièrement, d'éviter les contradictions, car il y a eu des versions successives des mêmes faits, et deuxièmement, d'éviter de se faire prendre la main dans le sac. Alors, éviter de se faire prendre la main dans le sac, je trouve cette information extraordinaire qui aurait dû scandaliser tous les journalistes. C'est dans le Parisien du 3 mai 2011. L'agence France-Presse a réussi à prouver, l'agence France-Presse, pas une officine extrémiste, islamiste, l'agence France-Presse a réussi à prouver que la prétendue photo de Ben Laden mort à gauche avait été truquée. La barbe et la partie inférieure du visage flou ont été empruntées à un chez plus ancien à droite. Effectivement, alors j'ai sous les yeux la photo publiée par le gouvernement américain, la seule photo de Ben Laden mort qui a été publiée, et on voit très clairement que le bas du visage, en effet, a été emprunté à une photo plus ancienne. Bon. Alors je trouve ça quand même énorme que le gouvernement américain se soit permis de diffuser une photo truquée. Comment peut-on faire confiance à des gens qui diffusent une photo truquée ? Bon, non, ça ne vous choque pas, Jean-Yves Le Gallo. Mais il y avait il y a une trentaine d'années, ce qui circulait beaucoup, c'était des manuels de photos truquées, retouchés par les soviétiques. Et avec les méthodes de l'époque qui étaient effectivement un peu moins perfectionnées, et ça choquait beaucoup à l'époque de la part des soviétiques. Bah, aujourd'hui, c'est utilisé de manière massive par les Américains, et je pense Jean-Yves Le Gallo, effectivement, on pense toujours à ces photos qui représentaient Staline avec ses grands lieutenants. Alors, à chaque fois qu'il envoyait un lieutenant au goulag, on effaçait sur la photo le lieutenant en question, Zananev disparaissait, comment il s'appelait, Zinaniev et Kamenev disparaissaient dans les photos, ou Trotsky, etc. Bon, mais vous dites aujourd'hui les Américains, je crois que les Américains ont toujours fait ainsi, seulement, tant que nous étions dans la guerre froide, il était délicat de la part des gens de droite de dénoncer la propagande américaine parce qu'on avait l'air de servir la propagande soviétique. Mais en fait, je crois que la propagande américaine a été toujours aussi intense et aussi mensongère que la propagande soviétique. Seulement maintenant, il n'y a plus la contrepartie. Et cette photo, la photo truquée, on devrait... Donc, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, c'est l'agence France-Presse qui a prouvé que le gouvernement américain, la seule photo publiée par le gouvernement américain de la mort de Ben Laden, est une photo truquée. Bon, premièrement. Deuxième chose bizarre... c'est qu'on a immergé le corps de Ben Laden par plusieurs milliers de mètres de fond sous la mer, dans un endroit d'ailleurs qui n'est pas déterminé. Donc il est clair que personne jamais ne pourra retrouver le corps de Ben Laden. Alors, on ne pourra pas vérifier que c'était bien Ben Laden. Bon, et surtout, on ne pourra pas voir dans quelles conditions il est mort. J'ai dit que le gouvernement américain avait eu des versions successives. On nous a d'abord dit qu'il s'était défendu avec une arme, et qu'il avait pris le lâche et le méchant, sa femme, comme bouclier humain. On nous a dit ensuite, non, ce n'est pas vrai. Bon, voilà. Et d'autre part, si on l'a tué d'une balle dans la tête, il paraît qu'il a été tué par des héros qui s'appellent, je ne sais plus quoi, les Navy Seals, quelque chose comme ça. Ils n'ont pas dû avoir du mal à lui coller une balle dans la tête. Non, un tireur d'élite, pan, une balle dans la tête, c'est fini. Pourquoi a-t-il... Les vrais et bons commandos sont capables de... Mais alors, attendez, la photo... De neutraliser, mais sans tuer. Là, c'était une neutralisation radicale. La photo truquée est truquée, semble-t-il, pour le bas du visage. Mais le haut du visage montre un Ben Laden dans un état épouvantable. Alors, vous n'avez pas la photo sous les yeux, chers auditeurs de Radio Courtoisie, mais c'est vraiment... Regardez cette photo. C'est vraiment une photo épouvantable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? A-t-il été torturé? A-t-il été martyrisé? Pourquoi est-ce qu'il a les yeux à moitié crevés s'il n'a été tué que d'une balle dans la tête? Les Américains ont-ils voulu faire disparaître, non pas... la preuve que ce n'était pas Ben Laden, mais la preuve que Ben Laden, avant d'avoir été tué, avait été torturé. Qu'en est-il? Et d'ailleurs, s'ils l'ont fait, ils ne sont peut-être pas restés 40 minutes. Ils ont peut-être torturé Ben Laden pour le faire parler, parce que ce terroriste avait évidemment de grands secrets à révéler. Donc l'état du corps de Ben Laden est suspect. Vous avez vu la photo? Qu'en pensez-vous, Laurent Arthaud de Bessy? Oui, il a une... Sachant que le bas, c'est la barbe qui recouvre probablement... la mâchoire démolie de Ben Laden. Mmh. Et il a un œil écrasé. Alors oui. S'il a reçu une balle dans la tête, pourquoi a-t-il des ecchymoses partout? Ça, c'est curieux. Il y a des ecchymoses sur le front. Et d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement américain a dit qu'il ne voulait pas publier la photo du corps entier de Ben Laden parce que c'était trop atroce. Mmh. Mais quand on tue quelqu'un d'une balle dans la tête, ce n'est pas joli à voir. Mais ce n'est pas tout le corps qui est en mauvais état. Oui. Et ça, c'est une photo de visage torturé, plutôt, oui. Alors, je ne vais pas pleurer sur le sort de Ben Laden, qui certainement a mérité le supplice qui apparemment lui a été infligé, mais je voudrais que l'on sache que les Américains sont de grands menteurs. En tout cas, le gouvernement américain travestit la vérité, ne donne pas d'informations correctes. Qu'en pensez-vous? La question, Christophe Bobon, c'est que, visiblement, il connaissait son adresse depuis plusieurs mois, dizaines de mois, voire en années. Et la question géopolitique reste quand même entière. C'est pourquoi maintenant? Alors, l'évocation du début de campagne américaine a été évoquée, avec, c'est vrai, un retournement du front, on va dire, politique classique aux États-Unis, puisqu'on a un président qui se retrouve dans une posture quasi-républicaine, un président démocrate, ce qui peut toujours servir, compte tenu, on va dire, du micmac politique actuel aux États-Unis. Mais néanmoins, ce qu'il faut essayer d'observer prochainement, c'est l'évolution géopolitique de la position américaine, notamment sur les évolutions et pseudo-révolutions arabes, où visiblement il joue des cartes différentes et il semble, encore une fois, tourner le dos à ce Deus ex machina, ou Demonus, encore une fois, qui était le terrorisme international islamiste amené par Ben Laden. Donc on va voir comment on va évoluer dans les prochains jours, enfin ou plutôt les prochaines semaines, les prochains mois, la géopolitique et la géostratégie américaine. Dans les questions qui se posent aussi quand même, c'est la violation répétée de la souveraineté du Pakistan, parce que il y a une multiplication des actions armées des États-Unis et des assassinats ciblés sur le territoire du Pakistan. Et là, c'est une opération en plein cœur du Pakistan. C'est-à-dire qu'on a vu... Alors là, c'est pas tellement différent de ce point de vue-là de ce qui se passe dans les pays arabes. Il y a une explosion de l'ingérence de tout le monde, et en particulier la superpuissance américaine, dans tous les pays du monde, dans un nombre de pays de plus en plus important. Puisque les États-Unis interviennent véritablement, on les a vus intervenir en Tunisie, on les a vus intervenir en Égypte, au minimum par des pressions diplomatiques, sinon par le choix des gens qui ont remplacé les dictateurs déchus. Et là, on les voit intervenir quand même sur le territoire pakistanais, un petit peu comme ils étaient chez eux. Alors je ne dis pas que les Pakistanais sont tous hautement recommandables, et notamment les services de renseignement pakistanais sont certainement très ambigus, à la fois dans leurs liens avec les Américains d'un côté, avec les islamistes de l'autre, notamment par le rôle qu'ils ont joué lors de la déstabilisation de l'Union soviétique par talibans interposés. Mais... Il n'empêche qu'on peut manquer d'être quand même un petit peu surpris par la manière dont les États-Unis d'Amérique interviennent partout dans le monde. Et on a vu bouleverser finalement au cours des 20 ou 30 dernières années, avec la notion de devoir d'ingérence, de droit puis de devoir d'ingérence, on a vu bouleverser tout l'ordre international traditionnel qui était fondé sur le respect des États et sur le fait qu'on ne reconnaissait pas des gouvernements mais des États et que les États s'administraient librement, plus ou moins bien peut-être, mais s'administraient librement. Aujourd'hui, aussi bien les États-Unis que parfois la France d'ailleurs, décident de qui doit être au pouvoir à tel ou tel endroit. Alors les États-Unis vont décider qui doit être au pouvoir en Irak ou en Afghanistan, et le gouvernement français a la prétention de décider qui a le droit d'être au pouvoir en Libye. Ça n'est pas plus satisfaisant que dans un cas que dans l'autre. En Côte d'Ivoire. Mais, Christophe Beaumont. Pour redescendre d'un niveau, en fait, les États-Unis sont en géopolitique la puissance maritime. Or, jusqu'à présent, pour un certain nombre de contraintes, leur volonté d'avoir systématiquement zéro mort sur tout champ de bataille sur lequel ils étaient susceptibles d'intervenir, finalement, avait plus ou moins muselé un certain nombre d'opérations ces 10 dernières années. Et on voit apparaître, depuis quelques années, un remarquable outil tactique, qui est le drone. Alors, maintenant, il y a des drones américains à peu près partout, qui attaquent des cibles ponctuelles, donc la dernière étant au Yémen. Ils sont intervenus en Libye, ils interviennent même à Fukushima. Quasiment, ils ont recouvré une maîtrise aérienne et une capacité à la fois d'élimination ciblée, qui est remarquable, c'est sans humain. Quasiment, c'est un jouet télécommandé, mais un jouet mortel, et qui a une capacité d'impact sur une politique locale qui est quand même pas neutre. C'est assez extraordinaire comme outil en termes de stratégie. Alors là, c'est une vraie nouveauté. Et surtout, une avance, là encore, sur le reste du monde occidental, sur le plan technique. Alors, imaginons que les Américains, à l'époque, ce n'était pas leur politique, mais imaginons que les Américains interviennent en France, à Neuf-le-Château par exemple, où se trouverait un ayatollah qu'ils n'aiment pas. Bon. Ça, quand même, ça choquerait un peu les Français. Donc, une expédition américaine en hélicoptère traverse la France et détruise une villa ou des gens dans une villa à Neuf-le-Château. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé là. C'est à Toabad. C'est une ville qui est de villégiature, avec de plus le Saint-Cyr local. Enfin, oui, ça serait à Couët-Quidan. C'est Couët-Quidan. Imaginons que ça se passe à Couët-Quidan. Enfin, c'est quand même extra. Enfin, à Couët-Quidan, il n'y a pas beaucoup d'habitants à Couët-Quidan, je crois. Hein. Bon, alors, c'est quand même assez extraordinaire comme mépris de la souveraineté nationale du Pakistan. Oui, alors effectivement, comme il a été dit, la notion de souveraineté nationale semble avoir totalement disparu du droit international, puisque finalement, le droit d'ingérence, qui est de plus en plus formalisé par les instances internationales, est une négation complète de ce droit international qui était fondé sur la souveraineté de l'État national. Laurent Arthur Duplessis, n'oubliez pas que la souveraineté nationale des États-Unis est très bien respectée, car il n'y a pas beaucoup de droits d'ingérence aux États-Unis d'Amérique. Et alors, c'est tout à fait unilatéral, c'est dans un sens, pas dans l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où on voit qu'en réalité, sous couvert de droits d'ingérence parés des oripeaux de l'humanitaire, du droit de l'homisme, on a en fait le retour du principe que la force prime le droit. C'est une régression du droit international public. Le droit international public a régressé sous l'effet de l'action des Kouchner et autres promoteurs du droit d'ingérence qui ont ainsi dissous les fondamentaux du droit international public et qui ainsi l'ont fait régresser. Depuis l'instauration du principe de l'État-nation par le traité au XVIIIe siècle, dont le nom m'échappe. Pardon ? Le traité au XVIIIe siècle qui avait institué en France en Europe, c'est les traités de Westphalie, en fait. De Westphalie, c'est le 17e siècle. L'ordre international, voilà. Des traités de Westphalie est en train d'être détruit. Le principe des traités de Westphalie est complètement carbonisé par le droit d'ingérence. On change complètement de droit international public et on passe, je dirais, à un droit international public qui est régressif, puisque au fond, il nie la notion de personne morale souveraine qu'était l'État-nation. Mais alors là, vous élargissez le sujet. Moi, j'aimerais que nous en restions sur l'affaire de Ben Laden elle-même, parce que, et notamment, nous sommes dans notre rendez-vous politique de la réinformation. Et la réinformation, ça consiste en premier lieu, justement, à discuter du traitement de l'information dans les médias. Bon. Et là, moi, je suis frappé de beaucoup de choses. Premièrement, les Américains nous fabriquent un récit d'un exploit incroyable. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont envoyé en hélicoptère 80 personnes d'une unité d'élite, massacré 4 personnes qui, semble-t-il, n'étaient même pas armées, dans une villa pakistanaise. Ça n'est quand même pas un exploit. Non, franchement... Il paraît qu'ils ont perdu. J'ai vu qu'ils avaient perdu. Alors ça, j'ai pas ils ont perdu un hélicoptère. Ils ont perdu un hélicoptère. Oui. De plus, ils sont maladroits. Ils ont même réussi à perdre un hélicoptère. Alors furtif, apparemment... paraît-il. Alors, je vous l'appareil détruit n'est plus furtif. Là encore, les images qu'on voit de l'appareil détruit peuvent laisse poser des questions. Parce que ça ne ressemble pas à une épave d'hélicoptère. Enfin, tout est toujours paradoxal. Alors, attendez. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Jake Carney... Je cite le Figaro du 4 mai 2011, a déclaré hier soir, donc c'était le 3 mai 2011, qu'Oussama Ben Laden n'était pas armé, citation, au moment où il a été abattu. Le chef d'Al-Qaïda aurait cependant résisté avant d'être atteint par au moins une balle dans la tête au-dessus de l'œil gauche, ainsi qu'à la poitrine. Les autorités débattent de l'opportunité de diffuser la photo de la dépouille, qui est atroce et pourrait enflammer la situation, a souligné Carney. Alors pourquoi avec 2 balles dépouille serait-elle atroce s'il n'a pas été martyrisé? Les balles de guerre sont extrêmement destructives. D'ailleurs, on fait des guerres, on essaye de les faire avec zéro mort, malheureusement. Il a des échymoses sur le front. Quand il y a des morts, on cache les morts. La balle lui rentrait par l'œil, pourquoi a-t-il des échymoses partout sur le visage? Cette photo, c'est la photo d'un type tabassé, ça c'est pas la photo d'un type abattu d'une balle de guerre. C'est la photo que le gouvernement américain a diffusée comme représentant Ben Laden après sa mort. Dans un premier temps. Non, il n'y a pas eu d'autres photos. Après, ils se sont retirés en disant qu'ils ne diffusaient. Ils ont reconnu que c'était un faux. Ça n'a pas été diffusé directement par le gouvernement. Je crois que ça a été un peu ambigu. C'est sorti par. N'essayez pas de le disculper, c'est la photo que j'ai disculpé. La réalité, c'est qu'on n'a pas de photo. On peut supposer que c'est à partir de celle-là, éventuellement, qu'ils se sont retirés de cette position. Mais la réalité, c'est que les balles utilisées par un commando pour abattre, puisque visiblement, c'était les ordres qu'ils avaient reçus, à mon avis, doivent quand même sérieusement abîmer une personne. Attendez, vous dites qu'ils avaient reçu l'ordre de l'abattre, mais la question n'est pas évidente. Je comprends... C'est ce qu'il semble. Je comprends que le gouvernement américain n'ait pas voulu faire un procès. Mais enfin, s'il était vraiment le chef d'un réseau terroriste qui veut perpétrer des attentats partout dans le monde, et notamment aux États-Unis, ils auraient dû le faire parler avant de le tuer. Henri, il me semble qu'à Guantanamo, les États-Unis ont détenu des centaines de personnes... Qui détiennent toujours, alors que d'ailleurs M. Obama avait promis de fermer Guantanamo, et qu'il n'y a jamais eu aucun procès public. Des centaines de personnes qui sont censées être les complices des gens qui sont censés avoir commis les attentats du 11 septembre, et il n'y a eu, à ma connaissance, aucun procès public. Aux auditeurs donc apparemment, ils ne sont pas très chauds pour un procès public. Alors, je ne sais pas quelles sont les raisons, mais il y a quand même des centaines de personnes qui sont détenues, qui ont été détenues, encore des dizaines qui sont détenues, depuis plus de 10 ans, sans qu'on applique ni le droit pénal normal, ni le droit de la guerre. Donc on est véritablement, ça renvoie effectivement à ce qu'on disait tout à l'heure d'une transformation du droit, puisqu'on n'applique ni le droit de la guerre, qui implique quand même de respecter les détenus, les prisonniers de guerre, ni le droit pénal traditionnel qui implique d'apporter quelques précautions de procédure dans le traitement des sujets. Rappelons que l'affaire de Guantanamo illustre très bien l'hypocrisie ou le pharisaïsme des Américains. Pourquoi Guantanamo? Parce que Guantanamo est à Cuba, c'est une base américaine extraterritoriale à Cuba, et que, comme c'est à Cuba et pas aux États-Unis, on peut se permettre juridiquement de ne pas appliquer le droit américain avec toutes ses garanties de procédure, et qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Et donc c'est pour cela que les Américains ne rapatrient pas les terroristes qu'ils capturent aux États-Unis, c'est pour qu'ils n'aient pas à leur accorder les garanties du droit. Vous écoutez Radio Courtoisie. J'aimerais que Marie-Françoise lise les questions des auditeurs. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquin qui reçoit en seconde partie d'émission pour le rendez-vous politique de la réinformation Christophe Beaumont, délégué à la communication du Club de l'Horloge, Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia et par téléphone tout à l'heure, Jean-Paul Nadéo. Un auditeur, si on peut se réjouir de la mort de Ben Laden, il ne faut pas oublier que les États-Unis sont aussi des criminels. N'oublions pas les bombardements anglo-américains sur l'Europe, et notamment Dresde, 250 000 morts en une nuit. Les 3 000 morts américains ne sont rien en comparaison des crimes qu'ils ont commis. Un auditeur, Monsieur Duplessis, au cours d'un procès avec... Non, je vous en prie. Au cours d'un procès avec... Henri de Lesca. Mais... Ah, c'est Laurent Arthur Duplessis. Eh ben oui. Ah, c'est Monsieur Arthur Duplessis, alors. Monsieur Arthur Duplessis peut en cacher un autre, Henri, si vous me permettez. Au cours d'un procès avec M. Ben Laden vivant, nous aurions peut-être eu des informations sur les personnes qui lui avaient fourni un passeport bosniaque qui lui fut remis début 1993, en plein conflit qui a disloqué la Yougoslavie. Un auditeur, les Américains auraient dû tuer Ben Laden discrètement, histoire de déstabiliser cette organisation islamique. Il aurait été impossible d'exploiter cette mort, qu'en pensez-vous ? Un auditeur, que Ben Laden soit mort en 2003 ou en 2011, cela n'a aucune importance. Il ne fallait surtout pas qu'il y ait de procès parce qu'il risquait de faire des révélations compromettantes. Un auditeur, Ben Laden était un curieux clandestin qui vivait toujours dans la même villa pendant des années et qui avait droit à une dialyse chaque semaine. Personne ne savait où il était. Un auditeur, j'aimerais qu'on nous parle du football, des quotas, etc. Nous allons venir au football, ouais. Voilà. Et enfin, un auditeur, on peut à juste titre parier que les 8 Français qui ont été massacrés dans un café de Marrakech ont payé de leur vie la décision criminelle prise par Sarkozy d'envoyer la milice privée qu'on appelle encore armée française s'immiscer dans la guerre civile libyenne en déclenchant sa grotesque aube de l'Odyssée. Décision prise dans le seul et unique but de défendre ses intérêts politiques personnels. Le 11 septembre, qui justifiait la guerre de Bush en Irak, avait eu lieu avant qu'il n'y envoie son armée. Au contraire, Sarkozy savait parfaitement qu'en allant en Libye, il créait les conditions d'un 11 septembre dans l'avenir. Les 8 morts de Marrakech sont les premières victimes de ce 11 septembre dans le futur que Sarkozy a délibérément choisi de sacrifier avec un cynisme impitoyable. Le silence absolu, l'absence totale de tout commentaire et de tout débat, la soumission totale de la caste politico-médiatique à ce sujet sont proprement terrifiants. Une auditrice, vous faites de l'anti-américanisme primaire, mais un saint de Ben Laden. Une auditrice... Non, nous faisons de l'anti-américanisme secondaire, tertiaire et supérieur. Une auditrice, on avait parlé d'une dialyse chez Ben Laden, plus rien. Y a-t-il eu une greffe ? Et ses relations avec la CIA, qu'en est-il ? Un auditeur, je vous rappelle que lors de la célébration de la libération de Paris pour le 50e anniversaire, il y a une campagne d'affichage sur les panneaux de cour représentant le général de Gaulle descendant dans les Champs-Élysées. La photo de Georges Bidault, qui entre-temps avait été un partisan de l'Algérie française et de l'OAS, avait été effacée. On peut ainsi douter de tout document photographique. Une auditrice, les autorités américaines disent maintenant qu'elles ont la preuve de l'identité de Ben Laden par son ADN. Mais comment aurait-elle donc pu avoir auparavant des échantillons de son ADN pour établir la comparaison ? Ah bah c'était un de leurs agents. Dans la période russe de l'Afghanistan, on peut répondre plus sérieusement. Ben Laden est atteint à hors-la-loi, mais toute la famille Ben Laden continue à exister en Arabie Saoudite, donc on pouvait facilement, en comparant son ADN à celui de ses parents, de ses frères, vérifier que c'était bien lui, ou en tout cas un de ses frères. Laurent Arthur Duplessis, ses questions. Je pense à une chose, c'est que la photo où on le voit très abîmé, là, que vous venez de nous montrer, peut être aussi peut-être un effet de souffle d'un bombardement, auquel cas ce serait peut-être une photo plus ancienne, où il aurait peut-être été tué dans un bombardement. Enfin, on peut imaginer ça aussi. Ouais, un effet de souffle, oui. Un effet de souffle. Cela dit, alors effectivement, je crois qu'un procès aurait été gênant pour répondre à l'auditeur qui a évoqué cela, parce que de toute façon... Comme vient de dire Jean-Yves à l'instant, c'était un des agents de la CIA. Jean-Yves Le Gallou, c'était un des agents de la CIA. Ben Laden n'est pas des moindres en Afghanistan. Et je dirais que réveiller tout ce passé aurait été, sur le plan de la communication, assez contre-productif pour le gouvernement américain. Christophe Beaumont ? Oui, cet argument me convainc à moitié. C'est pas parce que vous avez pu être allié à un moment donné que vous ne pouvez pas devenir ennemi dans un autre moment. Ça s'est vu historiquement dans de nombreux cas de figure. Et puis finalement, le procès de Saddam Hussein ne nous a pas appris grand-chose, y compris sur les armes de destruction massive, puisqu'il a fallu des enquêtes et des re-enquêtes. Bien évidemment, il n'avait pas, il l'a toujours dit. Mais il l'a dit à son procès, et tout le monde s'en est moqué. C'est par la suite d'autres éléments d'information. Je ne sais pas, la réalité, c'est que... je reviens à ma marotte du début. Je pense que, pour prendre comment dire, une image romanesque, revenons au fameux roman de 1984. C'est-à-dire que. George Orwell. Ben Laden était le Goldstein, donc l'ennemi de Big Brother parfait. Frère, ouais. Et que maintenant, la figure, avec encore une fois les nouvelles révolutions arabes, est en train de changer. Il a été remplacé par les Ben Ali et autres Kadhafi. Et il n'était plus nécessaire, ou plutôt il n'avait plus la même importance. Et il semblerait, enfin, disons, d'un point de vue médiatique, c'est-à-dire que les médias ne peuvent présenter qu'une seule personne ou un seul démon pour que ce soit facilement compréhensible par effet de foule. Et comme dans 1984, il s'agit de hurler devant sa télé pendant quelques minutes ou quelques heures avant de passer à autre chose. Et visiblement, ce personnage n'avait plus de raison d'être dans l'évolution géopolitique actuelle. Et peut-être pour répondre à une question d'une personne, une remarque d'une auditrice, qui est parfaitement exacte, il ne faut croire aucune photo, ne croire aucun texte, c'est-à-dire qu'il faut sans arrêt recouper les informations pour en trouver la crédibilité. Je crois que c'est l'une des raisons de Radio Courtoisie. La leçon de l'histoire, c'est que les Américains sont de grands manipulateurs de l'opinion, de grands menteurs, et que la propagande américaine est une réalité. Et la servilité des médias français, occidentaux et mondiaux par rapport à la propagande américaine est absolument étonnante. Je voudrais quand même que l'on se rende compte à quel point la presse française a manqué d'esprit critique dans cette affaire. Jean-Yves Le Gallou. Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Christophe Beaumont sur 1984. Je crois vraiment que c'est un livre qu'il faut relire en permanence, parce que il y a deux livres qui permettent de comprendre la réalité aujourd'hui. Il y a deux livres. Il y a 1984 qui permet de comprendre toutes les manipulations. Effectivement, il y a toujours un méchant. Alors ça a été Milosevic à un moment, ça a été Ben Laden, ça a été Saddam Hussein. Il y a un méchant qui permet de concentrer l'hostilité contre lui. Ça, c'est très bien décrit dans 1984. Ce qui est très bien décrit aussi dans 1984, c'est qu'on réécrit l'histoire au fur et à mesure qu'elle évolue. Et puis il y a un autre grand livre qui permet de comprendre la situation, alors cette fois intérieure, en termes d'immigration, c'est le livre de Jean Raspail, qui est prodigieux parce qu'il a décrit en 1973 tout ce que nous vivons aujourd'hui, y compris d'ailleurs dans l'opposition entre les Français et les Italiens, sur le fait de savoir, pas un ne se dit, mais il faudrait maintenir les Tunisiens ou les Sahéliens en Afrique. Mais tout le monde joue en disant l'essentiel, c'est qu'ils aillent chez le voisin. C'est déjà décrit dans Raspail il y a 30 ans. Donc c'est vraiment deux livres qu'il faut relire. La réinformation, c'est toujours avoir l'esprit critique. Et ces deux livres-là permettent de comprendre parfaitement les situations. Bien. Pouvons-nous passer au football ? Passons au football. Bien. Alors nous passons au football. La balle au pied. Alors, bien sûr. Alors, donc, je vous pose la question brutalement, comme je l'ai fait tout à l'heure à Nicolas Dupont-Aignan. Faut-il des quotas de race et d'ethnie dans l'équipe de France de balle au pied ? Qui veut intervenir ? Balle au pied, c'est-à-dire en anglais football. Je pense pas qu'il faille des quotas raciaux dans l'équipe de France. On pouvait se poser la question. Rappelez-vous feu Georges Fraîche, ancien président de la région, enfin président donc, quand il est mort, de la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, qui voulait appeler Septimanie, et qui avait dit qu'il y avait trop de Noirs. Il l'avait même dit en anglais, dans l'équipe de France. Et effectivement, il y avait de moins en moins de Blancs avant l'arrivée de Laurent Blanc. Alors, en fait, je crois qu'il faut reprendre le fil de conduite d'un bon entraîneur, qui est d'essayer mélanger les qualités athlétiques et sportives en fonction des nécessités du jeu, c'est-à-dire des attaquants qui soient agiles et stratèges, des défenseurs qui soient plus costauds, etc. Alors si le hasard veut qu'effectivement les défenseurs soient plutôt subtropicaux parce qu'ils auraient... Subtropicaux en bon français. Non, nous faisons de la réinformation, c'est-à-dire de race noire. Du fait de qualité athlétique particulière, effectivement, on en verra un certain nombre dans les équipes. Etc. Alors ce que disait Laurent Blanc finalement, c'est qu'on manquait de petits joueurs malins et agiles, en gros. Et, qu'est-ce que vous voulez dire là, que les Noirs ne sont pas malins et agiles? Alors, c'est ce qui lui a été reproché. C'est une arrière-pensée qu'on lui a prêtée à lui, Laurent Blanc, si j'ai bien compris. Il devrait déjà changer de nom parce qu'il aggrave son cas. Avec un nom pareil, il aggrave son cas. Là, franchement, c'est facile. Mais c'est ce qu'on pourrait remarquer. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que le turiféraire dans l'ancien RPR de l'antiraciste s'appelait Michel Noir. Avant que les difficultés judiciaires ne le conduisent en dehors de la politique, il s'appelait Michel Noir. Il était donc parfaitement bien nommé. Oui, j'ai le côté un peu surréaliste de ce débat qui a pourtant lieu et qui est encore une fois typiquement français. Il y a des immigrés et des équipes de sport dans tous les pays du monde, en l'occurrence de foot. Et il n'y a qu'en France où ce débat à la fois prend une telle importance et en même temps se concrétise. Christophe Beaumont, vous oubliez cette phrase vraiment très importante de Laurent Blanc, enregistrée donc illégalement dans cette réunion technique de la Fédération. Il a rapporté les propos des Espagnols, des responsables de la Fédération Espagnole, qui lui ont dit « Chez nous, il n'y a pas de problème, nous n'avons pas de noirs. » C'est dans les... Dans la transcription des propos. Je ne suis pas un spécialiste du foot, mais du ballon-pied, excusez-moi. Football traduit par ballon-pied. La réalité, c'est qu'il y a vraisemblablement des joueurs. Vous avez le droit de dire, je joue à la ballon-pied. Dans toutes les équipes nationales, et il n'y a qu'en France, et en l'occurrence que dans le foot, le ballon-pied, décidément, que ce débat a lieu. En l'occurrence, dans tous les autres sports, il y a globalement une représentation qui correspond, bien qu'on n'a pas de statistiques officielles, à ce qu'est la France aujourd'hui. Mais il y a que dans la balle au pied, que à la fois que ce débat a lieu, que l'équipe nationale aboutit à ce genre de confrontation, et en même temps avec les relatifs dysfonctionnements que cela suppose, parce que après les scores extraordinaires, le comportement extraordinaire, les résultats extraordinaires de l'équipe de France en Coupe du Monde, on pourrait se poser la question justement de cette ethnisation et de cette cotaïsation, pardonnez-moi ces néologismes, et de son bon fonctionnement en termes d'efficacité sportive tout simplement. Je crois que le débat prend toute son importance, puisque quand il y a eu la Coupe du Monde de football de 1998, il y a eu une gigantesque opération de propagande sur la victoire qui a été attribuée à l'équipe multiraciale, qu'on appelait Black Blanc. Black, vous leur dire. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur cette victoire, puisque il y a eu trois matchs préalables au match final où c'est plutôt l'arbitre qui a aidé l'équipe de France à gagner que les joueurs. Bon, enfin, passons. Je ne suis pas du tout un spécialiste de football, mais passons là-dessus. Il y a eu une gigantesque opération de propagande. Hein, c'est parce qu'on est multiracial, que la France est multiraciale, qu'elle est multiculturelle, qu'elle a gagné. Ce qui était évidemment une foutaise, puisqu'on l'a bien Restons corrects. On l'a bien vu 4 ans plus tard, où en Corée, l'équipe oui, blanc-black beurre a été éliminée par l'équipe du Danemark, qui n'était composée que de Vikings. Voilà, alors je ne sais pas si c'était des grands ou des petits, mais les 12 Danois grands et blonds et blancs ont battu cette équipe, ce qui ne voulait pas dire forcément que les Vikings, pour moi, étaient forcément supérieurs. Mais ça voulait dire que tout ce qu'on avait dit sur la victoire due au multiculturalisme, au multiracialisme, était un mensonge, était de la propagande, propagande. Ce que vient de dire Jean-Yves Le Gallou me paraît extrêmement important. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Parce que si le sujet de l'équipe de France de balle au pied est si important, ce n'est pas... Alors c'est important évidemment pour ceux qui s'intéressent à la balle au pied, ce qui n'est pas mon cas. Bon. Je l'avoue sincèrement, je préfère encore les parties de tennis aux parties de balle au pied. Bon. Mais c'est très important parce que on nous fait une propagande invraisemblable. Le sport joue un rôle considérable dans la diffusion du cosmopolitisme. Opium du peuple. C'est vraiment panem et circenses. Ça, ce n'est pas de l'anglais, c'est du latin. Le pain et les jeux. Donc, le panem, c'est l'État-providence. circensaise, c'est la télévision et les jeux. Bon. Et c'est pour abrutir le peuple et permettre les politiques les plus démagogiques qui se font dans son dos. Même pas démagogiques, parce qu'elles sont contraires au peuple, les politiques les plus antinationales. Les plus antinationales, effectivement. Donc, on nous a expliqué que la réussite de l'immigration était exemplaire et qu'on avait pour preuve la réussite de l'équipe de France de football qui avait gagné le championnat du monde grâce à sa composition multiraciale. Bon, on a vu d'ailleurs à quel point ce caractère multiracial était métastable ou instable. Parce que, et je suis désolé, mais c'est une question de seuil de tolérance, ce qui se passe dans une équipe de football ressemble à ce qui se passe dans un quartier. Il y a une notion de seuil de tolérance. Les gens se rassemblent par affinité, notamment par couleur raciale. Pour la même raison que dans un quartier noir américain, qui était un quartier blanc autrefois, lorsque la proportion de noirs a dépassé un certain seuil, les blancs s'en vont, eh bien, on a eu la même chose dans l'équipe de football. Voilà. On a eu la même chose, et c'est très regrettable, mais ça démystifie les mensonges de la propagande cosmopolite. Les hommes ne sont pas strictement interchangeables, premièrement. Et deuxièmement, il y a des adhérences fondées sur la communauté raciale et la communauté ethnique qui sont un fait. Bon, c'est, si l'on veut, le racisme dans le bon sens du terme, expression qui peut choquer. Mais que je sache, quand les Noirs américains votent à 98% pour Obama, alors que d'habitude ils votent pour le candidat démocrate, à 65%. Quand ils se mobilisent pour voter parce que c'est Obama, et qu'en général ils s'abstiennent, ils votent parce qu'ils ont une conscience de race, ils veulent voter pour un Noir qu'ils considèrent comme noir, bien qu'il soit en fait mulâtre puisque sa mère était blanche. Et ils témoignent d'un racisme au bon sens du terme. Personne n'a reproché aux Noirs américains de s'être mobilisés pour voter pour Obama. Le joueur Thuram, en 98, a fait réaliser des photos de l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde uniquement avec ses collègues noirs. Bah, il était peut-être raciste dans le bon sens du terme. C'est un raciste conscient. C'est un suprématiste noir, monsieur Thuram. Ouais. Dans les déclarations, dans la déclaration des joueurs, etc., des anciennes équipes, c'est vraiment la lutte des races. C'est-à-dire que les joueurs de race blanche ont volé au secours de Laurent Blanc. Et les joueurs de race noire ont tous attaqué Laurent Blanc. Donc on a vraiment... Voilà dans quelle situation nous met la politique actuelle de l'immigration et le fait que le cosmopolitisme, l'idéologie cosmopolite, mette sous le boisseau les vrais sujets, les vraies difficultés qui règnent, qui sont la conséquence inévitable de la cohabitation des races. Je voudrais faire mention de témoignages que j'ai entendus sur France Info, c'était hier matin, où des athlètes noirs, il y avait un homme et puis il y avait une femme, athlète de course à pied, disaient qu'ils ne se scandalisaient pas du tout de considération du lien qu'on pouvait établir entre des qualités athlétiques et l'origine ethnique. Ils disaient qu'on sait très bien que en sprint... En course à pied, rapide, vous voulez dire. Oui, en course à pied rapide. Assez plus sur le 100 mètres. Sur le 100 mètres, les Noirs sont plus rapides, on le sait très bien. Et c'était des Noirs qui parlaient. Hein. Bah, c'est vrai qu'à la finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques, il y a sur 10, 10 coureurs, il y a 10 Noirs. Voilà. Et la journaliste, évidemment... très politique. C'est vrai qu'il y en a moins dans les prix Nobel. La proportion noire est plus faible dans les prix Nobel. Oui, alors la journaliste s'étonnait en disant mais vous. Attends, mais c'est un fait. Vous êtes noir et vous dites ça. Et ses interlocuteurs lui répondent mais oui, mais tout le monde le sait. Il n'y a rien de. Il y a une coureuse qui disait moi je suis métisse de blanc et de noir, mais je sais que j'ai des qualités de course qui me viennent, etc. Et elle-même disait, cette athlète disait, on sait que pour le demi-fond, les Maghrébins sont doués pour le demi-fond parce que c'est une question de musculature, c'est une question de conformation, etc. Et ces athlètes noirs disaient ça. Et disaient, mais on voit pas vraiment où est le problème et en quoi on pourrait se scandaliser, disait-il. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a une prééminence très très nette dans le 100 mètres des athlètes noirs. Bon. Alors les athlètes blancs, on les trouvera plus facilement dans les courses de fond. Dans le demi-fond, on les voit pas mal aussi, mais on voit aussi beaucoup d'athlètes, par exemple d'origine maghrébine, etc. Dans le demi-fond. Donc il y a, semble-t-il, des corrélations à établir entre certaines appartenances ethniques et de même qu'on voit d'ailleurs... Plutôt raciale qu'ethnique, parce que vous savez, en matière de sport, les questions culturelles n'ont pas grand-chose à voir. Voilà. Et alors, il y a un paradoxe, parce que par ailleurs, la science, de plus en plus, fait des discriminations très fines en fonction de l'origine raciale. On sait de plus en plus que certaines maladies atteignent plus en fonction de certains groupes raciaux que d'autres. Et on arrive même maintenant, dans le domaine médical, à doser les médicaments, certains médicaments, en fonction de leur destination raciale, si on peut dire, de manière à maximiser leur efficacité en fonction du type racial auquel ça peut s'adresser. Donc il y a très très nettement un découplage croissant entre d'un côté le discours scientifique et puis la praxis sportive, la pratique sportive, et de l'autre côté la rhétorique politiquement correcte qui continue à appesantir ses propos académiques en dehors de l'examen de la réalité. Bien, alors retenons, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, que l'affaire de l'équipe de France de balle au pied ou de football témoigne de l'échec de l'idéologie cosmopolite, de l'échec du modèle dit de l'intégration qui est en fait un modèle de la désintégration de la France et qu'il faut donc évidemment changer de politique. Je pense que mes invités, qui sont donc Christophe Beaumont, Laurent Arthur Duplessis et Jean-Yves Le Gallou, que je reçois avec l'aide amicale de Marie-Françoise, en seront d'accord. Radio Courtoisie. Et j'aimerais que nous parlions de la politique française. Alors, Nicolas Sarkozy chute dans les sondages, il est en train de vérifier la formule que Jean-Marie Le Pen avait utilisée autrefois à propos de Chirac, mais qui est mieux semble-t-il adapté au cas de Nicolas Sarkozy. À force de creuser, il finira par trouver du pétrole. Du pétrole de schiste peut-être, tellement il creuse. Il est tombé à 23% dans la cote de confiance que la Sofres calcule pour tous les présidents depuis toujours. Bon. Il est tombé, à 20%. Et c'est paru dans le Figaro Magazine de vendredi dernier. Sachant que le Figaro Magazine fait partir le graphique de décembre ou novembre 2008, et que quand on fait partir le graphique du début, c'est-à-dire de juin 2007, ça fait l'élection présidentielle, ça fait peur. Il est parti de 65% et il est à 20%. Donc la chute est absolument catastrophique et nous ne sommes plus qu'à un an de l'élection présidentielle. Bon. Tout ça est extrêmement inquiétant. Alors il y a, dans le Parisien, d'autres sondages qui ont été publiés qui sont extrêmement intéressants. Et en particulier, on compare la cote de... Alors, ce n'est plus le même exactement indice. C'est un indice, de cette fois-ci, de confiance. Et on voit la comparaison entre Nicolas Sarkozy et ses 5 prédécesseurs. Alors, depuis le début de la Ve République en 1958, il y a eu 6 présidents de la République. Georges Pompidou est mort en cours de mandat, ne s'est pas représenté. Les 4 autres sont représentés et 3 ont été élus. Ont été réélus, Jacques Chirac, François Mitterrand et Charles de Gaulle. Un a été battu, Valéry Giscard d'Estaing. Selon ce même sondage, c'est un sondage IFOP, la popularité de Nicolas Sarkozy un an avant l'élection est de 28%. Un an avant l'élection, la popularité de Charles de Gaulle, avec la même question posée par le même institut, était de 54%. Valéry Giscard d'Estaing, qui a été battu 45% un an avant, 17 points de plus. François Mitterrand, 56%. Alors Jacques Chirac, 56% aussi. Mais il a été élu avec un résultat de maréchal, puisqu'il était contre Jean-Marie Le Pen, et que vous savez ce qui s'est passé en 2002. Mais donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, la possibilité que Nicolas Sarkozy puisse être élu à l'élection présidentielle de 2012 devient vraiment très invraisemblable. Il faut dire quand même, pour que la comparaison... à la fois Jacques Chirac et François Mitterrand étaient servis parce qu'ils étaient en période de cohabitation. Donc, il laissait le Premier ministre prendre les coups. Éventuellement, il lui en donnait. Et eux se plaçaient un petit peu en opposition à Sa Majesté. Donc, la situation n'est pas parfaitement comparable. Elle est davantage comparable avec Giscard d'Estaing. Alors, voilà. Et c'est encore pire parce qu'effectivement, lui n'a pas cette possibilité de... de taxer d'incompétence celui qui gouverne à sa place, puisqu'il est censé tout décider. Il est l'hyper-président et tout ce qui se fait, il en est responsable. Et que c'est le même depuis le début du mandat. J'ai cité plusieurs fois cet article qui me paraissait très important de M. Dominique Régnier, dans le 3 août 2010 dans le Monde, qui expliquait que, après l'échec éventuel de l'UMP et de Sarkozy en 2012, à la présidentielle puis aux législatives, l'UMP allait exploser. Or, il semble que l'explosion soit déjà commencée depuis la décision de Borloo de quitter l'UMP. Monsieur Hervé Morin, qui a été pendant 3 ans ministre de Nicolas Sarkozy, tire maintenant à boulet rouge sur Nicolas Sarkozy. Il parle de mépris des Français. Donc les centristes sont en train de recréer l'UDF et il semble que Hervé Morin, au moins, joue d'ores et déjà, comme peut-être d'ailleurs, sans trop le montrer, Copé et Fillon, l'échec de Sarkozy en 2012. Laurent Arthaud Duplessis. Oui, moi je partage tout à fait cette analyse. Le système des partis en France est en train d'imploser et on assiste à une refonte en cours du système des partis en France. La base populaire de la droite a quitté depuis longtemps, je dirais, ce qu'on appelle aujourd'hui l'UMP, qui était l'héritage, je dirais, du grand parti gaulliste des années 60. Et cette droite populaire est allée vers le Front National pour l'essentiel. La gauche elle-même n'a plus beaucoup de base populaire aussi. Et ces grands partis UMP et Parti Socialiste, ce ne sont plus que de grandes structures dévitalisées, car privées d'une assise populaire solide. Et on voit d'ailleurs qu'elles vont de crise en crise, ces grandes structures, qu'elles implosent de manière symétrique, puisque le Parti Socialiste lui-même ne va pas beaucoup mieux, et lui-même est soumis à des tiraillements intenses. Et je crois que ce sont là les prodromes d'une vraie refonte du système des partis en France. Écoutez, vous dites que le Parti Socialiste ne va pas très bien, mais quand je regarde justement dans le même article du Figaro Magazine où l'on cite la popularité de Nicolas Sarkozy qui tombe à 20% alors qu'elle était donc à 65% en juin 2007, on voit quand même que dans les quatre premières personnalités politiques les plus favorables, les plus populaires, ou les cinq, pardon, il y a, sur les cinq premiers, il y a quatre socialistes. Dans l'ordre, Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Hulot, Martine Aubry, François Hollande, Bertrand Delanoë. Donc, en fait, dans l'opinion publique, à l'heure actuelle, en dehors de Nicolas Hulot, qui n'est pas socialiste mais écologiste, mais qui est maintenant catalogué à gauche, les cinq premiers, ensuite on arrive à Jean-Louis Borloo, sont tous des socialistes. Le quatre des cinq premiers sont des socialistes. Donc, apparemment, si, dans l'opinion publique, actuellement, le Parti Socialiste est plutôt la cote. Oui. Alors, il bénéficie le Parti Socialiste d'être dans l'opposition, effectivement. Et c'est vrai. Et tandis que les personnalités de l'UMP étant dans la majorité au pouvoir sont atteintes par l'usure du pouvoir, effectivement. Mais d'un autre côté, il y a les taux records d'abstention aux élections qui montrent une désaffection profonde pour les partis en lice. Nous parlons de la renaissance du centrisme. Alors, j'aimerais poser une question à Jean-Yves Le Gallou. Alors, Des Mortuis, nihil nisi bene. Il ne faut pas dire du mal des morts. Quand même, que pensez-vous de Bernard Stasi qui vient de nous quitter ? Qu'il est qualifié dans le Figaro de grande voix du centrisme. Grande voix du centrisme. Il a écrit en 1984 « L'immigration, une chance pour la France ». Vous aviez répondu d'ailleurs à ce livre dans le livre du Club de l'Horloge que vous aviez dirigé « La préférence nationale, réponse à l'immigration ». Et il y a eu un hommage unanime de la classe politique. Le dernier n'a pas été Nicolas Sarkozy, qui a salué chez Bernard Stasi la force de ses convictions. Que pensez-vous de ce que représente aujourd'hui Bernard Stasi ? Et je pense que Bernard Stasi, d'un certain point de vue, il a défriché les positions sur lesquelles aujourd'hui se retrouvent aussi bien les gens du PS que de l'UMP. Et quand il l'a fait, ça n'était pas si facile parce que il était assez largement en avance sur son camp. Donc je ne serais pas aussi sévère... Sur son camp ou sur son temps ? Sur les deux ? Son camp et sur son temps, absolument. Je dois dire d'ailleurs, parce que j'ai relu récemment des passages du livre de Bernard Stasi, L'immigration, une chance pour la France, où il expliquait, c'était en 1983, il expliquait que pour que l'intégration réussisse, c'est vrai qu'il fallait arrêter l'immigration. C'est-à-dire que M. Stasi, qui écrivait un livre favorable à l'immigration dans les années 80, expliquait, mais attention, pour que l'immigration, pour que l'intégration réussisse, il faut arrêter l'immigration. Voilà ce qu'il disait, cet homme qu'on présente, qui était un homme favorable à l'immigration, il avait quand même un peu de bon sens. Moi, je l'ai eu en débat quelquefois, enfin, en face à face. Il était courtois. Il était courtois. Je le respecte mort comme je l'ai respecté vivant, même si, évidemment, c'était un adversaire politique par rapport à cette question de l'immigration. Mais je dois dire que tous les adversaires politiques ne sont pas forcément aussi respectables que Bernard Stasi l'était. Et encore une fois, son livre aujourd'hui contient des choses qui apparaîtraient aujourd'hui politiquement incorrectes, ce qui est quand même un comble. Alors ça, vous venez de dire une chose très importante. En 1983, Bernard Stasi publiait « L'immigration, une chance pour la France », où il disait qu'il fallait arrêter l'immigration. Pour réussir l'intégration. Ce qui est d'ailleurs, d'un certain point de vue, du l'immigration avait été officiellement arrêtée par Giscard d'Estaing en 1974. Elle a continué en étant officiellement arrêtée. La politique de tous les gouvernements, y compris les gouvernements socialistes jusqu'en 2002, était, y compris le gouvernement de Jospin en 2002, avant l'élection présidentielle, était qu'il fallait arrêter l'immigration, que l'immigration était arrêtée. Et c'est M. Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui a décidé de relancer l'immigration en disant il faut en finir avec le mythe de l'immigration zéro. Et il a parlé d'immigration choisie, mais en fait, il a dit qu'il fallait rouvrir les portes ou les frontières de la France à l'immigration. Ça, c'était, je dis ça pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui ne sont pas favorables à un excès d'immigration, ou pas favorables du tout à l'immigration, et qui ont voté peut-être Nicolas Sarkozy en 2007, qui pourrait avoir la faiblesse de vouloir recommencer. C'est lui qui a rompu avec la politique de tous les gouvernements précédents, y compris le gouvernement de gauche socialiste de M. Lionel Jospin, et qui s'est d'ailleurs, non pas vanté, mais qui a reconnu dans les statistiques officielles en 2007 que pendant les 5 ans où il avait été ministre de l'Intérieur, il a fait rentrer plus d'immigrés en France, légalement, que ne l'avait fait Jospin et M. Vaillant, ministre de l'Intérieur, pendant les 5 années précédentes. Donc M. Sarkozy est vraiment responsable de la politique de l'immigration depuis 2002, avec son confrère, pardon, son coadjuteur, son directeur de cabinet, du ministre de l'Intérieur, M. Guéant. Le tandem Sarkozy-Guéant, qui a le pouvoir en matière de politique de l'immigration depuis 2002 jusqu'aujourd'hui en 2011, donc pendant 9 ans, qu'il a eu pendant 9 ans, a fait rentrer beaucoup plus d'immigrés par an que ne l'avait fait avant lui le pouvoir socialiste. Et ils ont battu les records, puisqu'en 2010, le chiffre de 200 000 entrées officielles, non compris les demandeurs du statut de réfugié politique, a été franchi. Avec 203 000, selon les chiffres qui ont été communiqués par le gouvernement. Alors écoutez, dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais que nous parlions de Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, il baisse un peu dans les sondages. J'ai une opinion arrêtée sur Strauss-Kahn, si vous permettez, Henri. J'arrive de galop. Une double opinion arrêtée. La première, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment des électeurs socialistes normalement constitués ou des militants socialistes normalement constitués pourraient choisir comme porte-parole de leur courant l'élection présidentielle. Donc je suis quand même très... C'est pour ça d'ailleurs que Strauss-Kahn n'a pas très envie de la primaire, parce que malgré tout, il doit quand même le savoir. Et je dois dire que pendant les élections cantonales, je me suis un peu amusé à en parler à quelques militants socialistes, je n'en ai pas trouvé un seul qui défendait Strauss-Kahn, ce qui me laisse quand même un petit peu perplexe. Ça, c'est la première remarque sur Strauss-Kahn. La deuxième remarque sur Strauss-Kahn, c'est qu'avant même d'avoir commencé sa campagne électorale, il est dans l'illégalité. Puisqu'il y a des lois sur le financement politique, il y a des lois sur le financement des campagnes politiques, sur le financement des partis politiques, et que ces lois interdisent notamment les dons de personnes morales. Or, on nous explique en permanence, c'est dans tous les journaux, que la campagne de M. Strauss-Kahn est faite par la société de communication Euro-RSG. RSCG. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas une personne morale, c'est peut-être une personne immorale, mais juridiquement parlant, Euro-RSG, c'est une personne morale qui finance la campagne de M. Strauss-Kahn en organisant ses rendez-vous, en inspirant les articles favorables dans la presse. Et donc, il est déjà en dehors la légalité. Non, Jean-Yves Le Gallou, pas d'accord. La loi s'applique pendant la période d'un an qui précède l'élection. On y est dans la période d'un an qui précède l'élection. On va y être. Mais de toute façon, indépendamment de l'élection elle-même, c'est une action politique. Il mène une action politique. Cette action politique, elle doit rentrer dans le cadre du financement politique, parce que ce que les lois prévoient, il y a plusieurs lois de financement politique, elles sont assez complexes, mais on prévoit le financement des partis, le financement des campagnes, et donc là, le financement de la vie politique. On est bien là dans le financement de la vie politique. Et alors on nous dit d'ailleurs, on explique parfois, quel est l'intérêt, on peut quand même se poser la question, quel est l'intérêt d'EuroRSG de faire ses cadeaux à M. Strauss-Kahn? Et on explique, il y aura sûrement un retour sur investissement quand il sera élu à la présidence de la République, ce qui est tout de même, me semble-t-il, une accusation de corruption. Et dernier élément quand même qu'il faut prendre en compte, c'est que EuroRSCG est l'agence de communication pour l'Europe du FMI. Alors, je ne sais pas si là encore, on peut se poser des questions en termes de corruption, mais il y a certainement des conflits d'intérêts, c'est le moins qu'on puisse dire. Et de ce point de vue-là, ce n'est que justice que l'affaire de la Porsche ait fait tant de bruit. J'ajoute que la Porsche en question, dont j'ai oublié le nom exact, de quoi il s'agit. Émet trop de CO2 ? Non, attendez. Sans doute. Alors expliquez la photo a été publiée dans la presse, d'abord dans Le Parisien, c'est le 28 avril à Paris. Dominique Strauss-Kahn et sa femme Anne Sinclair montent dans la Porsche de leur ami Ramzi Kirun d'EuroRSG, je crois. Non, voilà, de Lagardère. De Lagardère et EuroRSG. Il a deux Kazakhs, ce garçon. Devant leur domicile de la place des Vosges. Mais c'est une Porsche haut de gamme, c'est pas la Porsche que vous et moi, Henri, on pourrait avoir. Non, moi j'ai une 206. Oui, en 206. Je vous rassure. Bon, donc, soyons sérieux. Donc, est-ce que. Parce qu'il faut également évoquer quand même... C'est le modèle de Porsche qui est préféré de deux catégories de personnes éminemment recommandables, les dealers et les traders. Pardon, là, j'utilise de l'anglais, mais c'est pour la rime. Non. Voilà. Distributeur de drogue, trafiquant de drogue, etc. Bon. Et trafiquant d'actions et d'obligations et de bulles financières, voilà. Alors, il est appelé l'homme à la Porsche tranquille, mais d'autre part... C'est très joli, ça. Très joli. L'amusant Christian Jacob, qui est surnommé rentemplant par M. Fillon. Alors, Christian Jacob est un député qui est le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Après avoir été le président des agriculteurs français, de la FNSEA. Oui, et il est l'homme liege de M. Copé, secrétaire général de l'UMP, auquel il a succédé à la tête du groupe UMP. Et alors, Monsieur Christian Jacob est surnommé par M. François Fillon Rentemplant. Alors, tout le monde n'est pas un lecteur de bande dessinée, c'est en fait, Rentemplant est un chien, personnage de Lucky Luke, de Goscinny, et Maurice et Goscinny. Et Rentemplant est un chien particulièrement stupide. Oui, mais alors, c'est le chien des Dalton, c'est le chien de Lucky Luke. Bon, en tout cas, si on continue dans la comparaison avec les Dalton, là, je trouve que M. Fillon prend des risques beaucoup, parce que les Dalton, il y a quatre frères. Il y en a un qui est tout petit, qui est Joe, qui est le chef et qui est très méchant. C'est Sarkozy. Je n'ai pas dit ça. J'ai pensé à Sarkozy. Il y en a un autre qui est grand et pas très intelligent, c'est Avrel. Alors, je ne sais pas non plus qui c'est, mais à la place de M. Fillon, je serais prudent avec les comparaisons en matière alors, de bande dessinée. Christian Jacob, tout ça, c'était une introduction pour dire que Christian Jacob avait attaqué Strauss-Kahn, Dominique Strauss-Kahn, en disant qu'il ne représentait pas l'image de la France des terroirs et des territoires. Alors, tout de suite, on a dit que c'est une attaque antisémite contre M. Strauss-Kahn. Et le CRIF, le Conseil représentatif des Israélites de France, de M. Richard Prasquier, a dénoncé ces propos tout à fait maladroits qui pouvaient être réputés antisémites, puisqu'on paraissait le taxer de cosmopolitisme. Bien. Alors, peut-on parler, donc, selon Christian Jacob, on pourrait parler du cosmopolite à la Porsche tranquille, puisque apparemment, il aime bien les belles voitures. Laurent Arthur Duplessis. Oui, et je crois que si la crise économique commence à repartir, ça va le desservir beaucoup, Strauss-Kahn, parce qu'il apparaît aux yeux des Français pour l'instant comme un personnage démiurgique qui aurait contribué avec deux ou trois autres acteurs importants de la scène mondiale au sauvetage de l'économie mondiale par la politique de relance monétaire. De la planche à billets. Exactement. Ouais. Et donc, il apparaît comme jupitérien, comme une sorte de surhomme. Et il est crédité, Strauss-Kahn, dans l'esprit des foules, en général, les Françaises en particulier, de cette petite reprise économique que nous connaissons depuis un peu plus d'un an. Ah bon ? Quel rapport avec Strauss-Kahn ? Il y a beaucoup de... On le voit souvent présenté dans les médias en tant que patron du Fonds monétaire international. comme l'un des artisans habiles de la politique de relance des dernières années. Et Strauss-Kahn lui-même se pare des plumes du paon assez volontiers dans ce domaine. Et son aura tient beaucoup à... Alors, Arthur Duplessis, il va falloir revenir sur le cas Strauss-Kahn, qui est un cas qui m'intéresse beaucoup, parce que je voudrais que dans ces rendez-vous politiques de la réinformation, nous analysions la bizarre popularité de Strauss-Kahn. Je crois que c'est Laurent, ça. Arthur Duplessis, bon, on donne un élément. Oui. Voici le temps de la chronique du courrier des auditeurs, préparée par Amandine Marie-Françoise. Un auditeur de Paris qui s'adresse à Henri de Lesquin, qui commande l'enregistrement d'une émission, qui souscrit à l'abonnement d'À l'écoute de Radio Courtoisie et qui envoie 40 euros. Monsieur le Président, c'est après avoir entendu par hasard l'une de vos émissions, puis quelques autres dans les semaines qui suivirent, que j'ai constaté leur grande qualité, la diversité des sujets qui y sont traités et leur caractère tout à fait inédit et exposé dans un français irréprochable. Aussi, je me suis demandé... Nous essayons, le cochon est là pour cela. Aussi, je me suis demandé si je ne pouvais pas apporter mon aide à votre radio en participant modestement à l'agrandissement de la famille de vos auditeurs et ce, en cotisant à Radio Courtoisie. Je souhaite pour votre radio le plus grand et harmonieux essor ainsi que la pleine réussite de vos projets de développement. Cher auditeur, rendez-vous le dimanche 19 juin 2011 pour la grande fête de famille de Radio Courtoisie à l'espace Champéret, 17e arrondissement, porte de Champéret. De 14h à 19h. Un auditeur de Maringue dans le Puy-de-Dôme qui envoie 80 euros. Étant depuis peu, Nolens Volens, abonné Internet, je peux enfin écouter Radio Courtoisie depuis l'Auvergne. Voici ce chèque en reconnaissance de votre action. Un auditeur de Paris qui envoie 40 euros. Voici ma cotisation 2011 que je suis heureux de vous envoyer, ne serait-ce que pour la façon dont vous défendez la cause serbe qui est la nôtre. Je regrette le rappel à Dieu du brillant général gallois qui le faisait comme personne. Une auditrice des Lilas en Seine-Saint-Denis qui envoie 60 euros. Chers amis, en ces temps troubles et de désarroi, tandis que la bêtise continue de faire des progrès, il fallut bien se décider à adhérer à Radio Courtoisie, dont on n'imagine même pas qu'elle puisse ne plus exister. Votre radio, en tous les cas, ne prend pas les auditeurs pour des crétins. Une généreuse auditrice de Paris qui envoie 400 euros. Avec un peu de retard, voici mon énième don pour que vive notre chère radio, car sans elle, que deviendrions-nous? Elle est notre seule planche de salut. Une auditrice de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine qui envoie 150 euros. Merci à tous pour votre dévouement et pour les belles émissions que vous nous donnez. Un auditeur de Lézigny, en Seine-et-Marne, qui envoie 80 euros. Je vous adresse mes compliments pour la qualité des émissions et mes vifs remerciements à toutes celles et tous ceux qui assurent le bon fonctionnement de Radio Courtoisie. Une auditrice de Vincennes dans le Val-de-Marne qui envoie 40 euros. Je vous écoute toujours avec bonheur et je vous remercie de tout cœur pour vos émissions si riches et si variées. Une auditrice de Maison Lafitte dans les Yvelines qui envoie 150 euros. Chère Radio Courtoisie, pour donner suite à notre conversation téléphonique de lundi dernier, voici mon chèque de soutien. Vous m'accompagnez chaque jour, la vie, grâce à la diversité des émissions, devient agréable et j'en oublie mes handicaps. Merci chaleureusement. Un auditeur de Paris qui envoie 40 euros. Habitant le plus souvent en province, maintenant, je n'ai plus l'occasion d'écouter Radio Courtoisie comme avant. Et je le regrette, car votre radio est actuellement en France la plus libre et la plus intelligente. Eh bien, merci, chers auditeurs. Sachez quand même que si nous sommes peut-être la plus intelligente des radios, nous sommes en tout cas certainement la plus libre. Ça, c'est une qualité qu'on ne peut pas nous contester. Et que vous pouvez écouter partout en France Radio Courtoisie, soit par le satellite, CanalSat ou TNTSat, soit par Internet. Comme chaque lundi, donc, Marie-Françoise et moi, nous lisons les quelques-unes des lettres qui nous ont été envoyées et qui ont été sélectionnées par Amandine. Je remercie tous ceux qui nous écrivent et qui nous soutiennent et nous puisons beaucoup de courage dans leurs propos amicaux et dans leurs témoignages de soutien. Et je tiens à remercier particulièrement tous ceux qui se mobilisent pour soutenir financièrement notre chère radio. Je vous signale que nous avons vraiment plus que jamais besoin de vous. Ces dernières semaines, les cotisations ont diminué. Nous avons dû payer l'URSSAF qui, pour les charges sociales, nous prélève avec ses succursales 45 000 euros chaque trimestre, Car si les dirigeants de la radio sont bénévoles, si beaucoup, plusieurs, 200 à 300 personnes travaillent bénévolement pour Radio Courtoisie, le fonctionnement permanent de Radio Courtoisie est assuré par des techniciens et des administratifs qui sont des salariés, ce qui vous permet d'entendre la radio, si vous le souhaitez, 24 heures sur 24, car la radio ne s'arrête jamais, sauf les incidents techniques dus à l'insuffisance, justement, de nos moyens. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents, à ceux qui nous rejoignent chaque semaine, comme cette auditrice des Lilas qui nous écrit « Il fallut bien se décider à adhérer à Radio Courtoisie, dont on n'imagine même pas qu'elle puisse ne plus exister. » Ou encore cette généreuse auditrice de Paris qui nous pose cette question, qui se pose cette question en parlant de Radio Courtoisie, « Sans elle, que deviendrions-nous ? Que deviendrions-nous ? Et que la France deviendrait-elle s'il n'y avait pas cette possibilité d'exprimer la voix de la France française du pays réel ?» Vous qui écoutez, vous qui aimez nos émissions et qui nous écoutez régulièrement, sans prendre le temps encore d'envoyer votre cotisation, j'en croise tous les jours, moi, des gens qui écoutent régulièrement et qui ne cotisent pas encore. Faites le bon choix, le choix du cœur et de la volonté et de la lucidité. Vous devez participer concrètement aux combats qui sont les vôtres, qui sont les nôtres, chaque semaine. Donc je vous répéterai inlassablement, jusqu'à ce que vous soyez convaincus, que votre participation financière nous fait cruellement défaut. Vous devez aussi, autour de vous, rayonner pour que Radio Courtoisie soit mieux connue et mieux écoutée et mieux comprise. Pensez non seulement aux efforts de toute l'équipe de Radio Courtoisie, les techniciens, les bénévoles, les patrons d'émission, les assistantes, qui défendent et qui maintiennent, malgré toutes les difficultés, ce lien de communication unique. Pensez aussi aux auditeurs modestes, très nombreux, qui font des sacrifices pour cotiser. Il faut leur rendre, et je leur rends, un hommage sincère. Leur soutien, bien que modeste, comme leurs revenus, nous sont très précieux. Leurs témoignages me vont droit au cœur. Pensez au réconfort que vos émissions et que nos émissions apportent aux plus démunis de notre grande famille de pensée. Pensez aux personnes seules, pour qui Radio Courtoisie est un lien avec la France, un lien avec ceux qui pensent comme eux, comme elles. Tous ensemble, nous devons unir nos efforts et je vous demande de nous rejoindre sans tarder pour que Radio Courtoisie puisse non seulement survivre, bien sûr, mais se développer. Nous sommes la seule radio qui ne vit que grâce à ses auditeurs, qui, grâce à cette éthique de responsabilité financière, est entièrement et totalement indépendante, ce qui permet par exemple d'avoir ce bulletin de réinformation si impertinent et dont je félicite le promoteur et le fondateur Jean-Yves Le Gallou, ici présent, car c'est un plus pour notre radio que ce bulletin de réinformation. Comment fait-on, chère Marie-Françoise, pour entrer dans la grande famille de Radio Courtoisie ? Il est possible de le faire par chèque adressé à notre secrétariat 61 boulevard Murat 75 016 Paris, par internet via PayPal avec une carte bancaire à l'adresse suivante www.radiocourtoisie.fr ou bien par prélèvement automatique sur simple demande écrite ou même téléphoner. Alors, je vous invite à venir tous, justement, participer à la grande fête de famille de Radio Courtoisie, le dimanche 19 juin à l'espace Champéret. Jean-Yves Le Gallou, vous y serez ? Bien entendu. Christophe Beaumont, j'espère compter sur votre présence. Je pense, oui. Laurent oui. Duplessis aussi. Oui. Marie-Françoise, elle m'a dit qu'elle venait. Donc, nous... Je crois déjà qu'il y aura, ce sera quand même un grand moment, puisque je crois que vous organisez, Henri, une conférence avec Jean Raspail. Alors, il y aura une conférence au début avec Jean Raspail et une dernière conférence vers 17h. Alors, la conférence avec Jean Raspail sera sur le thème Jean Raspail en ses royaumes. Elle sera animée par Anne Brassier qui lui posera des questions. Et ce sera une causerie plutôt qu'une conférence à 14h15. Donc venez nombreux pour écouter l'auteur du Camp des Saints qui pourra ensuite évidemment dédicacer cet ouvrage et les autres. Et je crois qu'il y aura aussi présent chez un des patrons de l'émission. Oscar, un des comptoirs. Oscar Fressinger. À la fois pour ses livres politiques, mais aussi pour ses livres sur son pays, le Valais. Et je pense que ce sera quand même très intéressant pour les auditeurs de rencontrer cette personnalité politique éminente qui est un des grands défenseurs des libertés européennes. Alors, donc, rendez-vous dimanche 19 juin à l'espace Champéret. Pourquoi 40 euros de cotisation minimum ? Parce que c'est pour permettre aux plus modestes d'adhérer à l'association. Mais le montant minimum souhaitable est de 120 euros, ce qui est à peu près la redevance audiovisuelle. La déduction fiscale, pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu, évidemment pas pour les plus modestes, est de 66%. Si vous versez 120 euros, il vous en coûtera finalement 40 euros. On peut s'abonner en outre à l'écoute de Radio Courtoisie. L'abonnement, c'est de 10 euros par an pour 11 numéros. On n'est pas pour autant. Enfin, c'est de 11 numéros, c'est parce que peut-être que nous avons changé la périodicité, mais en tout cas, ça sera de toute façon 11 numéros pour 10 euros. C'est-à-dire que cet abonnement peut être souscrit sans pour autant qu'on adhère à l'association. Et vous pouvez donc demander au secrétariat de vous faire une proposition d'abonnement. On peut aussi vous envoyer un exemplaire pour que vous puissiez juger sur pièce de la qualité de cette revue. Je vous signale que le numéro 23 va paraître et va être envoyé d'ailleurs à tous les, va être envoyé à tous les adhérents ou donateurs de Radio Courtoisie, et non seulement aux abonnés. Alors, j'ai quelques annonces à faire, en dehors de ce, bien sûr du 19 juin 2011. Il y a une exposition d'Aude de Kéros, vernissage le jeudi 5 mai, alors donc ça c'est fini, mais c'est jusqu'au 25 mai l'exposition, 25 mai 2011. Un peintre en hiver, Aude de Kéros, l'exposition, et deux places des Vosges, près de chez M. Strauss-Kahn, dans le 4e arrondissement de Paris. Une très belle exposition. Une très belle exposition. Et donc, je vous invite également à retrouver Jean-Yves Le Gallou demain pour ceux qui nous écoutent en direct, et aujourd'hui même pour ceux qui nous écoutent en différé, sur le thème « L'Afrique face à l'Europe, du choc démographique au choc culturel ». L'Afrique face à l'Europe, du choc démographique au choc culturel, au Club de l'Horloge, 4 rue de Stockholm, Paris 8e, demain à 20h30. Jean-Yves Le Gallou, c'est vous qui faites l'exposé. Oui. Sur « L'Afrique face à l'Europe, du choc démographique au choc culturel ». Merci, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Merci, Jean-Yves Le Gallou. Merci, Laurent Duplessis. Merci, Christophe Beaumont. Merci, Marie-Françoise. Merci, Claudio. Merci, Henri. Merci. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal d'Henri de Lesquin, assisté de Marie-Françoise. Cette émission a été diffusée en direct lundi 9 mai 2011 de 18h à 21h et sera rediffusée mardi 10 mai 2011 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle a été réalisée par Claudio. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander les cassettes correspondantes aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.